pense plus à lui. Tu te fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme, tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or. Que l'or. Ton cœur est plus précieux que de l'or.